J'ai toujours écrit, donc c'est, il n'y a pas trop de... Comment dire? Je m'amuse à parler en vers. C'est un bon entraînement, et puis donc, bon, ben, il en découle des chansons. Tiens, ça devrait passer en 95, normalement. Oui, tu es très bien structuré aussi. Ben c'est un peu le côté country que j'ai l'habitude de faire en anglais ou autre. Et c'est très carré la musique country. Et l'important, c'est de faire en sorte que le texte soit, que les gens puissent comprendre le texte. J'ai fait tous les styles possibles. Je suis la route qui se traîne comme un serpent sur fond d'azur. Sur mon cheval de fer, je file pour m'éloigner de ta maison. Je suis pas un musicien des villes, juste un cow-boy sans canasson. Un baladin mélancolique, un countryman plein d'aventures. Et je roule, roule, roule, toujours droit devant. Et je roule, roule, roule, plus vite que le vent. La route défile sous mes yeux comme un grand ruban qu'on déroule. Mon cheval d'acier et de feu, avec la vitesse qui me grise, me donne l'impression d'être heureux, loin de ce monde et loin des foules. Je joue à un jeu dangereux où c'est ma vie qui sert de mise. Et je roule, roule, roule, toujours droit devant. Et je roule, roule, roule, plus vite que le vent. Je négocie chaque virage comme s'il était le dernier. Je redeviens le cheval sauvage qui redécouvre la prairie. Celui qui a sauté la barrière, croyant trouver la liberté. Mon instinct est seul qui me guide. Dans ma tête, tout est arrêté. Mais je roule, roule, roule, toujours droit devant. Oui, je roule, roule, roule, plus vite que le vent. Je ne pense à rien, je me concentre sur ce que je vais découvrir. Derrière le prochain tournant, derrière la prochaine courbe. Il se peut qu'il y ait un obstacle, que je commette une faute lourde. Mais que je n'ai pas d'autre choix, si la chance veut bien me sourire. Et je roule, roule, roule, toujours droit devant. Et je roule, roule, roule, plus vite que le vent. Si je me loupe, c'est pas bien grave, j'aurais pas le temps d'y penser. J'aurais au moins tenté ma chance sans avoir eu le dernier mot. Je n'ai pas peur, alors j'avance encore plus vite, presque plus beau. Je ferai corps avec ma machine dans un bruit d'acier déchiré. Et je roule, roule, roule, toujours droit devant. Oui, je roule, roule, roule, plus vite que le vent. La route défile sous mes yeux comme un grand ruban qu'on déroule. Mon cheval d'acier et de feu Et cette vitesse qui me grise me donne l'impression d'être heureux, loin de ce monde et loin des foules. Je joue à un jeu dangereux où c'est ma vie qui sert de mise. Et je roule, roule, roule, toujours droit devant. Et je roule, roule, roule, plus vite que le vent. Oui, je roule, roule, roule, toujours droit devant. Et je roule sans savoir ce qui m'attend. Ça, j'ai beaucoup de motards qui viennent dans mon restaurant et chaque fois ils me la demandent. Ah oui, je suis un motard invétéré, moi, depuis l'âge de 19 ans. Et je roule avec une 7,5 débridée, j'ai 109 chevaux entre les jambes. J'ai passé mon permis voiture, j'avais 30 ans. Je voulais pas entendre parler d'une bagnole avant.